Oui, donc je me présente, Michel Barthélémy. Au moment de tirer un bilan et d'esquisser des perspectives pour le séminaire politique des sciences, la relecture d'un certain nombre de séances m'a fait prendre conscience de certaines récurrences qui s'articulent autour de la notion d'évaluation et de son caractère polysémique généralement masqué. C'est précisément ce qui sous-tend ce phénomène de masquage qui m'intéresse ici. Les intervenants sur cette question, en particulier Albert Augien, Sylvain Piron et Richard Reichmann, c'était dans le cadre des grands débats de l'école, se sont accordés sur l'existence d'une évaluation professionnelle traditionnellement liée à un fonctionnement démocratique, autonome et collégial du milieu académique, qui se distingue d'une évaluation gestionnaire plus récente et inspirée du contrôle financier issu des milieux de l'entreprise. Ce régime d'évaluation a progressivement investi l'État via la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances, et provoqué la substitution d'une logique de résultat à une logique de moyens. En même temps, ce nouveau régime, au-delà du seul registre financier, affecte l'ensemble des activités professionnelles et singulièrement celles de recherche et d'enseignement qu'il encadre par sa logique de performance. Il est assisté en cela par la mise en œuvre de la démarche qualité, une perspective intégratrice et autoritaire centrée sur l'usage de procédures contraignantes et standardisées et le contrôle en continu de leur emploi correct réalisé par les intéressés eux-mêmes. Les instances d'évaluation et de financement sur projet, indépendantes de la communauté scientifique, au sens où leurs membres sont nommés par le pouvoir politique et qu'elles appliquent leurs propres doctrines et procédures, contribuent à accréditer cette vision de l'évaluation centrée sur la volonté de distinguer les meilleurs, entre guillemets, organismes, établissements, équipes, individus, c'est-à-dire les plus habiles à tirer leur épingle du jeu dans ce cadre imposé. Il a été par ailleurs rappelé par Luc Boltanski comme par Emmanuel Brassat, entre autres, l'importance du raisonnement systémique issu des sciences de l'information et de la cybernétique dans la constitution du modèle servant à concevoir l'organisation et le fonctionnement d'un ensemble que les décideurs politiques et économiques n'appellent plus l'enseignement supérieur et la recherche, mais le système de recherche et innovation. Un changement d'appellation qui désigne également un changement d'orientation de la mission de l'université, de l'accent mis sur la connaissance vers les compétences à visée professionnalisante. Ce qui frappe alors dans ce mouvement de transformation accélérée des conditions d'exercice de l'activité de recherche et d'enseignement, c'est tout d'abord la souplesse et docilité avec laquelle un processus marqué par l'absence de concertation a pu faire tant d'émules qui n'y ont vu qu'une tendance, du reste constatée à l'échelle mondiale, à laquelle il n'y avait pas d'autre issue que d'apporter son concours parce qu'elle semblait s'imposer de soi. L'autre élément notable, c'est la mobilisation d'une partie de la communauté universitaire, du reste jugée assez inattendue, en tout cas inhabituelle par les premiers intéressés eux-mêmes et les observateurs, face à un train de réformes restructurant sans ménagement le paysage de l'ESR, enseignement supérieur et recherche, et réduisant à presque rien l'indépendance de ces acteurs à l'égard des pressions des pouvoirs de toutes sortes, tant politiques qu'économiques. Dans le cadre de la préparation de mon exposé, lors de l'une des séances du séminaire, il m'était apparu que la référence à un modèle systémique servait de cadre de réflexion et d'action aux experts en matière de transformation de ce qu'ils appellent donc le SRI. Décomposant une activité en trois étapes qui correspondaient à trois niveaux de réalisation, les grandes lignes politiques, la traduction en objectifs de recherche, puis la réalisation des opérations de recherche, ce cadre rend chacun des maillons étroitement solidaires des autres et fait du plus fragile, qui n'est pas défini à l'avance mais s'apprécie au cas par cas, le responsable du résultat obtenu par l'ensemble, entretenant de la sorte une pression continue sur le tout. Dans ce contexte, il semble que ne puissent s'épanouir que les experts qui, comme l'indiquait Luc Boltanski dans une intervention dans ce séminaire, il parlait des sociologues, mais le propos peut être aisément étendu à la catégorie expert, ont fait le choix d'admettre le cadre de la réalité existant, celui pertinent pour les intérêts des décideurs, comme limite naturelle, c'est-à-dire normative, à leurs analyses et préconisations. La volonté ministérielle transformatrice de l'ESR s'exprime dans les mêmes termes. Dans son langage, il est moins question de prise en compte de la réalité récalcitrante du monde à l'action que l'on y conduit, et des engagements à tirer de l'expérience acquise, parfois contre son gré, que de tracer les perspectives éblouissantes pour un futur déjà écrit dans ses grandes lignes et sommé de se conformer in fine à ce qui est ainsi projeté. Cette vision totale laisse peu de place à la négociation et à la révision de ses objectifs. Il va de soi que dans ce processus, il n'est question que d'enthousiasme et d'expertise pour affiner les réalisations du premier. Les membres de la communauté de l'ESR ne sont que des moyens dans ce mouvement d'ensemble qui sont invités à soutenir sans avoir participé à sa conception. De nombreuses critiques ont pris cet état de fait pour point de départ. Cela a été le cas du présent séminaire, une initiative parmi tant d'autres. Une piste possible pour la suite de ces rencontres pourrait être de développer le grand absent de ce discours, qui est une alternative critique à ce qui se fait et se dit au nom du réalisme gestionnaire, qui aime à se faire prendre pour la réalité tout court. Et il parvient très régulièrement, comme en atteste le discours public, médias et opinion publique. Jean-Louis Fournel et Isabelle Thyssen-Jean, notamment, avaient souligné l'importance de ne pas négliger la bataille des mots, sous peine qu'une seule version de la situation, celle du pouvoir, s'impose au plus grand nombre comme la seule cohérente parce que tout simplement conforme à ce qui est pris pour étant réellement le cas. Le défi qui nous est lancé est de faire un pas de côté pour tenter de rétablir un lieu de controverse là où naguère fleurissait le sens commun et l'évidence. La poursuite du séminaire s'inscrit dans cet espoir qui est aussi une volonté d'agir contre la vision désespérante du monde d'après laquelle il semble aller de soi que l'hyperactivité d'une poignée, libre de faire ce que bon leur semble ou peu s'en faut, doit se payer au prix de l'impuissance de la majorité. L'engagement dans la voie de la critique est un moyen de redonner une voix et une marge d'action à celle-ci en jetant un second regard sur les choses qui semblent s'imposer d'elles-mêmes pour mieux en faire surgir leur caractère contingent et forcé. C'est cela, gage d'une vision émancipatrice qu'il faut s'efforcer de faire comprendre et partager au-delà du seul cénacle académique, ce que soulignait Dominique Pestre, du reste, à l'ensemble de nos concitoyens en resituant les événements qui nous et les affectent sous une description alternative à celle des intérêts coalisés de la mouvance au pouvoir, pour reprendre un terme de Luc Boltanski. Alors, pour terminer sur note un peu négative et provocatrice, nous avons assisté, nous avons été les témoins au cours de ces séminaires d'une palette, disons, de propositions d'actions qui n'ont jamais été suivies d'effet. Je pense au texte des refondateurs qui pouvait servir de cadre, disons, à un débat collectif. Je pense également à une proposition qui allait d'ailleurs dans le même sens, qui était de banaliser un ou deux mois en janvier et février, qui avait été faite par un de nos collègues, justement pour pouvoir mettre au point un projet alternatif à celui du gouvernement. Et tout ça a fait, comme dirait un ancien président, pchit. Mais peut-être un certain nombre de ces propositions pourraient être réactivées peut-être par la suite et dans cette assemblée au-delà. Voilà. Merci Michel.